Donc, bonjour mes frères et sœurs, et comme on dit souvent, toute bonne chose a une fin. Et nous en sommes ce matin à notre dernier vidéo. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que même si c'est notre dernier aujourd'hui, par rapport au texte, demain, il va y avoir une autre vidéo qui va, je vais essayer de résumer l'idée globale de les actes des apôtres. Donc, même si on a fini le texte, demain, il va y avoir encore une dernière vidéo comme conclusion à toutes ces vidéos qu'on a faites sur les actes des apôtres. Commençons par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous sommes reconnaissants, et c'est le cas de le dire, reconnaissants que tu nous as montré qui tu étais. Encore une fois, car le but de toute écriture, c'est de révéler premièrement le Dieu que tu es. Et d'avoir survolé les actes des apôtres avec les frères et sœurs, ça a été pour moi un privilège de te rencontrer, un privilège de mieux te voir à l'œuvre dans cette première génération de chrétiens. Nous te demandons que tu nous donnes la grâce de terminer en beauté, encore une fois en parlant de toi, mon bon Père Céleste. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu dans les derniers chapitres que Dieu avait un plan et qu'il a accompli son plan. Et c'est, il a emmené Paul à Rome. Malgré tout ce qui aurait pu arriver, malgré toute la folie des hommes, tous les péchés des hommes, Dieu, dans sa souveraineté, dans son omnipotence, avait décrété des choses et ils se sont accomplis. Paul est à Rome. Ce n'est pas à cause de sa sainteté, ce n'est pas à cause de ses prières, ce n'est pas à cause de son obéissance qu'il est à Rome, c'est à cause du plan de Dieu qu'il est à Rome. Et Dieu avait dit, tu rendras témoignage de moi à Rome. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il va rendre témoignage de Dieu à Rome. Je crois que c'est ce que Luc va faire devant Théophile, c'est le résumé le ministère de Paul pendant qu'il est à Rome. Donc, lisons à partir du chapitre 28, verset 17. Au bout de trois jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré, là, entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Donc, la première chose que Paul fait rendu à Rome, il est dans son logement, on lui laisse la permission d'avoir son logement et sous bonne garde. C'était la coutume, il semblerait qu'il y avait une chaîne assez longue et que le prisonnier était attaché au soldat qui le gardait, comme Paul dit, c'est à cause de l'espérance que je suis attaché à cette chaîne. Donc, il semblerait que c'est conforme à la coutume ou aux traditions. Donc, rendu là, dans son logement, il fait venir, il convoque les principaux des Juifs. Donc, Paul les réunit, et la première chose qu'il va faire, c'est de dire aux principaux, aux dirigeants de la nation juive à Rome, pourquoi il est là? Parce que ça va se savoir que le chef de cette secte, ou l'autorité de cette secte, Paul, est à Rome et est en prison. Donc, il veut clarifier auprès de ses concitoyens juifs, auprès de ses frères de sang, pourquoi il est là. Donc, il leur dit, « Je suis ici à Rome en prison parce que j'ai été accusé par les Juifs à Jérusalem de toutes sortes de méfaits, mais ils n'ont pas pu prouver rien. Et les autorités romaines voulaient me relâcher, mais les Juifs s'y ont opposés. Et au lieu de mettre leurs culottes, parce qu'ils voulaient plaire aux Juifs, ils étaient pour me livrer aux Juifs. Donc j'en ai appelé à César. Et c'est pour ça que je me retrouve ici maintenant, à Rome, enchaîné. Mais vous pouvez constater que je ne suis pas un prisonnier ordinaire. J'ai mon propre logement, on me laisse la liberté de convoquer qui je veux. J'ai une grande liberté ici. Donc, si j'avais été un criminel, je ne serais pas ici en train de vous parler. Mais ce qui m'intéresse le plus ce matin, c'est de voir qu'est-ce qu'il va dire aux Juifs. Disons à partir du verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Donc Paul ou Luc résume ici cette longue conversation que Paul a eue pendant toute une journée avec les chefs juifs. Souvenons-nous que Luc est avec lui. Il leur prêche, il leur annonce le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu pour les Juifs, ce n'est pas le quand ils vont mourir et aller au ciel. Le royaume de Dieu pour les Juifs, c'était la venue du Messie qui établissait le règne de Dieu. Paul leur parle, leur annonce que Dieu veut établir son royaume sur eux. Comprenez bien ceci. Il n'annonce pas le royaume de Dieu une place quand ils vont mourir, mais il leur annonce que Dieu veut établir son royaume sur eux. Parce que le règne de Dieu, c'est le règne d'un roi sur son peuple. Donc, il dit, le royaume de Dieu est arrivé. Il leur annonce que le royaume de Dieu est là. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que les apôtres ont fait tout au long des actes des apôtres. Il leur annonce que le royaume de Dieu est là. C'est ce que nous devons annoncer, frères et sœurs, le royaume de Dieu. Dieu veut régner sur son peuple. Quand on dit chercher d'abord le royaume de Dieu, on n'est pas en train de dire chercher d'abord le moyen d'aller au ciel quand vous allez mourir. C'est chercher que Dieu règne dans votre vie, qu'il soit votre roi, votre Seigneur. Comment leur prêcher le royaume? Il va prendre deux moyens pour leur prêcher le royaume. D'abord, il va prêcher avec témoignage. En rendant témoignage, donc il va témoigner, de ce qu'il a vu et entendu, il va rendre témoignage de ce qu'il a entendu de Jésus dans ses apparitions que Jésus a eues envers lui. Il va rendre témoignage de ce qu'il a vécu dans sa vie, lui, en se soumettant au royaume de Dieu. Il va rendre témoignage de ce qu'il a vu autour de lui, par les apôtres, par les miracles qui se sont accomplis. Et il va aussi essayer de les convaincre que le royaume de Dieu est arrivé puis a été établi en utilisant les Écritures de l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes. Et par les témoignages, par la loi de Moïse, par les prophètes, il dit, il est persuadé en ce qui concerne Jésus. Donc il dit, voici de les convaincre par son témoignage et par les Écritures que Jésus était le Messie qui arrivait et qui établissait le royaume de Dieu. J'aime ça, frère et sœur. J'aime ça, frère et sœur. Ce n'est pas un évangile anthropocentrique, centré sur l'être humain. Jésus est venu pour nous, il nous aime tellement, il est mort pour nous afin qu'on aille au ciel, qu'on n'ait plus de problèmes, qu'on soit heureux pour l'éternité. Ça, c'est un évangile anthropocentrique, un évangile centré sur l'homme. Mais ici, Paul annonce un évangile centré sur Dieu. Je vous annonce le royaume de Dieu. Dieu veut établir son royaume sur vous. Il voudra être votre Dieu, votre roi, votre Seigneur. C'est ce qu'avaient annoncé Moïse et les prophètes. Et c'est à travers Moïse et les prophètes, on annonçait la venue du Messie qui établirait le royaume de Dieu. Et ce Messie-là est venu dans la personne de Jésus, qui est mort et ressuscité. Frères et sœurs, ça c'est l'Évangile. Ça c'est l'Évangile. Annonçons pas un Évangile qui est là juste pour rencontrer les besoins de l'être humain, mais annonçons un Évangile qui est là pour annoncer la gloire de Dieu, pour annoncer le règne de Dieu, pour annoncer la venue du Messie qui établirait le règne de Dieu sur un peuple nouveau, composé de juifs et de païens. C'est ce qu'il annonçait. Et c'est ce que Luc voudrait donc que Théophile comprenne. J'espère qu'il a compris. J'espère qu'il est certain. Maintenant, de tout ce que Luc a dit dans son évangile et dans les actes, j'espère qu'il est convaincu maintenant que ce qu'il a entendu est la vérité. Et j'espère que c'est ça, qu'il s'est converti avant de partir. Quelle a été maintenant la réaction à ce que Paul leur a parlé pendant toute la journée? Lisons le verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit: va vers ce peuple et dis: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, comme dans tout le restant des Actes des Apôtres, il y a eu 2 réactions. Il y en a qui sont persuadés, il y en a qui sont convaincus que ce que Paul dit est vrai, d'autres le rejettent. Et c'est ce qui arrive toujours. Certains croient, d'autres rejettent. Et Paul leur dit, à partir de maintenant, vous que vous rejetez, l'Évangile va être annoncé aux païens, dans le monde entier, et ils vont l'accepter. Et l'histoire est là pour nous dire que des millions et des millions de non-juifs qui se sont convertis à travers l'histoire de l'Église. Beaucoup plus de païens que de juifs se sont convertis. Ils l'ont rejeté. Et Luc termine en disant, il est resté là 2 ans dans une maison, il a prêché l'Évangile sans obstacle. Il, qu'est-ce qu'il annonce? Il prêche le royaume de Dieu, verset 31 encore une fois. C'est ce qu'il continue à faire. Il prêche le royaume de Dieu en enseignant ce qui concerne Jésus-Christ. Ne prêchons pas Jésus-Christ sans annoncer le royaume de Dieu. Si vous annoncez Jésus-Christ sans le royaume de Dieu, vous annoncez un évangile qui est là juste pour rencontrer les petits besoins de l'être humain qui a peur d'aller en enfer. Je crois que c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se disent croyantes, qui ne savent pas quoi faire de leur vie chrétienne, parce qu'ils ont accepté le Seigneur dans leur vie, pour aller au ciel. C'est tout ce qu'ils voulaient, aller au ciel. Au lieu de se convertir à Dieu pour le servir, pour sa gloire, pour le faire connaître, pour le glorifier, l'exalter, ici et pour l'éternité. C'est ça l'Évangile. C'est ce que Luc dit en terminant à Théophile. L'Évangile qui a été prêché pendant toutes ces années, 30 ou 40 ans, là, c'est un Évangile qui prêchait l'arrivée du royaume de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, ou par la personne de Jésus-Christ, ou en la personne de Jésus-Christ. Dieu règne maintenant sur un nouveau peuple. Il l'a démontré. La question qui est légitime, c'est est-ce que nous faisons partie du royaume de Dieu? Est-ce qu'on a accepté le Seigneur seulement pour aller au ciel, nous autres aussi? Chacun doit se poser la question pour lui personnellement. Et si vous réalisez que vous avez accepté le Seigneur juste pour aller au ciel, il sera le temps de bien comprendre que l'Évangile, c'était pour établir le royaume de Dieu, ici et maintenant. Le royaume de Dieu, c'était, Dieu voulait un peuple qui l'adore et qui le sert en esprit et en vérité. Le Seigneur nous a permis de le voir à l'œuvre pendant ces 28 chapitres-là. Et personnellement, pour moi, j'ai été convaincu encore plus que jamais que c'est Dieu qui bâtit son Église. C'est Dieu qui dirige les croyants. Qui utilise les croyants, hommes, femmes, jeunes, vieux, juifs, non-juifs, éduqués, non-éduqués. Dieu les utilise pour bâtir son Église. Ils ont un plan. Et ce plan-là va s'accomplir parfaitement. Aucun des élus va manquer à la fin. L'Église va être parfaite à la fin. Pourquoi? Parce que ça dépend de Dieu et non pas de nous. Nous sommes ses instruments. Et les instruments sont aussi parfaits que celui qui utilise l'instrument. Donnons-lui gloire pour toujours. Notre Père du ciel, merci de nous avoir conduits depuis ces 3 mois-là à regarder comment tu bâtissais ton Église. Tu nous as convaincus que c'est toi qui bâtissais. Tu nous as convaincus que c'est les apôtres étaient tes envoyés, tes messagers. Et nous t'en glorifions. Donne-nous la grâce à nous aussi proclamer le royaume de Dieu en essayant de persuader les gens autour de nous que Jésus-Christ était le Messie envoyé de Dieu. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.